il s'avance la nuit jusqu'au Rubicon. Donc, quand il apprit qu'on n'avait tenu aucun compte de l'opposition des tribuns, et qu'eux-mêmes étaient sortis de Rome, il fit prendre aussitôt les devants à quelques cohortes, et dans le plus grand secret, pour n'éveiller aucun soupçon. Puis, pour donner le change, il assista à un spectacle public, examina le plan d'une école de gladiateurs qu'il voulait faire construire, et se livra, comme de coutume, à la joie d'un grand festin. Mais, après le coucher du soleil, il fit atteler à un chariot les mulets d'une boulangerie voisine, et suivi de fort peu de monde, il prit les chemins les plus détournés. Les flambeaux s'éteignirent, il se trompa de route, et erra longtemps au hasard. Enfin, au point du jour, ayant trouvé un guide, il suivit à pied des sentiers étroits jusqu'au Rubicon, limite de sa province, et où l'attendaient ses cohortes. Il s'y arrêta quelques instants, et réfléchissant aux conséquences de son entreprise. « Il est encore temps de retourner sur nos pas, » dit-il à ceux qui l'entouraient. « Une fois ce petit pont franchi, c'est le fer qui décidera tout. »